Ça, c'en est neuf, aimer sa vie. Pour la plupart des gens, on vit au niveau de l'ego. On ne vit pas au niveau du contact. On ne vit pas au niveau de l'esprit, on vit au niveau de l'âme. Et puis l'âme, pour pouvoir avoir un critère d'appréciation de lui-même ou de l'âme, de l'expérience de vie, a besoin d'une valeur. Et sa vie, l'âme a besoin de se situer dans un système de valeurs. Et puis, dépendant de où il est situé dans le système de valeurs, ben, il va dire « j'aime ou j'aime pas ma vie », parce qu'il va aimer en fonction du rapport qu'il a avec les autres. En d'autres termes, un être qui est dans l'esprit n'a pas besoin d'un environnement pour s'apprécier. Donc, il aime sa vie parce que sa source l'habite parfaitement pour y expliquer tout ce qu'il y a autour de lui. Et puis, il n'a pas besoin de référent autre que sa source dans sa vie. Donc, un gars comme moi va tout le temps aimer sa vie, peu importe le niveau de tension que je peux avoir, parce que je vais comprendre le pourquoi la tension se présente. Mais pour un ego, quand il ne comprend pas pourquoi il subit quelque chose, bien, il ne peut pas aimer sa vie parce que ça ne cadre pas dans le système de valeurs qui l'entoure à un avantage sur les autres. C'est comme si, grosso modo, de l'âme, ça aime être supérieur. C'est comme mes chats chez nous. Si un chat ne se sent pas supérieur à un autre, il n'est pas heureux. Il est écrasé, il est diminué. Il ne sent pas une fonction dans le clan. Fait qu'il y en a tout le temps un qui est mal aimé dans le tas parce qu'il n'est pas ultimement supérieur à aucun autre chat dans la maison. Comprenez-vous? Mais dès qu'un chat a un sentiment de supériorité sur un autre, il est enjoué. Mais il a besoin d'en battre un pour pouvoir se donner de la valeur puis une supériorité quelconque. Donc, un être qui vit au niveau de sa source, il n'a pas besoin d'être meilleur, il a juste besoin d'exister et puis de pouvoir se comprendre à l'intérieur d'un groupe. Mais dès que vous êtes au niveau de l'âme, vous avez besoin, pour aimer votre vie, de vous sentir supérieur à d'autres. C'est basic, hein? Donc, pour n'importe qui, la dynamique d'un échange, c'est une dynamique de raisonnement en état de supériorité. Tu es supérieur à quelque chose, puis là, bien, automatiquement, tu aimes ta vie. La dynamique de l'âme puis la dynamique de l'esprit, c'est deux dynamiques différentes. Vous avez de l'âme, c'est normal. Vous êtes venu au monde pour vivre votre âme. Mais si vous vivez dans l'âme, il y a un besoin inné chez vous de vous sentir supérieur à un autre ou à d'autres, au pluriel. Vous ne pouvez pas vivre ça, vous allez avoir à vivre un questionnement. Vous allez questionner votre vie à savoir pourquoi vous ne pouvez pas plus, moins que telle chose. Qu'est-ce qui peut faire qu'un individu aime sa vie? Regardez Trump. Lui, il va aimer sa vie s'il est aimé de tout le monde. Mais il n'aimera pas la vie s'il est critiqué. Donc, ça veut dire que l'âme a une peur phobique du rejet. Quand est-ce que tu n'aimes pas ta vie? C'est quand tu vis une impression de ne pas être à la hauteur, d'être rejeté ou de ne pas être important. Avoir de l'importance, de la reconnaissance, de l'appréciation, c'est fondamental à l'âme. Et vous êtes manipulé et manipulable en fonction de la valeur que vous avez dans le sens de ce que les autres vous donnent comme valeur ou de la valeur que vous vous donnez. Je prends quelqu'un qui est déprimé de la vie, papa, je regarde qu'est-ce qu'il faut, c'est le besoin de se sentir important. On va chercher dans la société qu'est-ce qui apparaît important, exemple un Mercedes. Tu fais acheter un Mercedes, puis ça va déjà mieux. La réalité, c'est qu'elle a juste besoin de se déplacer. Elle a besoin d'un auto, un véhicule, peu importe qu'il soit en bonne ou en mauvaise condition, nous dedans qu'il se déplace. Si tu es dans l'esprit, ça devrait être suffisant. Si tu as de l'âme, c'est pas suffisant. Il faut quelque chose qui, dans la société, apparaît supérieur. Basic, hein? Tu es plus riche, tu es plus intelligent, tu es plus reconnu, tu es imaginez plus à n'importe quel niveau, puis la vie vaut la peine d'être vécue. Pour de l'âme, là, je parle. Donc, l'évolution d'un être, c'est une course à être important que pour soi-même, sans rapport avec les autres. Si tu dis ta personnalité est évoluée, c'est qu'elle est capable, avec quelque chose de simple, d'être heureuse parce qu'elle n'a pas besoin de se mesurer à un autre environnement. C'est difficile, Parce que tout ce qui est fait dans la société est noté, apprécié, coté. Vous commencez à l'école, ils vous donnent des pourcentages de performance, des pourcentages de rendement. Ils commencent à vous donner des étoiles dans le coin d'une page ou n'importe quoi. Tout est pensé pour vous obliger à vous mesurer à votre environnement. Puis tout est pensé dans la société pour être en compétition avec d'autres. Mais regardez qu'est-ce que vous aimez dans le sport. C'est quelqu'un qui réussit à battre quelqu'un. Il dit, ah, il est le meilleur coureur. C'est lui le plus vite. C'est lui qui saute le plus haut. Telle équipe gagne la Coupe Stanley. Donc, les autres sont moins bons qu'eux. Vous savez, comprenez-vous? Donc, si vous êtes pris dans le monde de la comparaison, vous vous battez pour être meilleur et vous vous battez pour aimer la vie. Vous vous battez pour aimer votre vie. Vous vous aimez en fonction d'une performance. Et là, vous êtes pris. Parce que si vous n'avez pas atteint une certaine performance, puis que c'est important pour vous d'avoir une performance, mais c'est difficile d'aimer la vie. C'est très difficile de dire « Ah, je suis satisfait ». Donc, un individu qui est dans une compétition ou dans une course pour arriver à un résultat donné, c'est tout le temps en fonction des autres. Puis, il va haïr quelqu'un avec qui il pourrait s'aimer parce que le gars ou la fille le bat dans une performance quelconque. Et tu dis, ouais, on s'en sort comment de ça? Idéalement, c'est d'être capable de se dégager d'une performance, mais si tu gagnes ta vie dans la vie, c'est parce que tu performes. Si on te dit, ah ben, avec toi, c'est ce qu'il y a de mieux, là, tu as le goût de faire quelque chose parce qu'on t'apprécie, on te reconnaît, on te donne une reconnaissance, on te donne un diplôme, on te donne une valeur, fonction d'une performance. Puis là, une personne qui, dans tout son environnement, essaie de voir une performance, si je pense, exemple, à un parent, c'est mon gars, il va dire, « Ouais, j'ai appris avec toi telle affaire, mais en vieillissant, il a fallu que je trouve quelqu'un qui en connaissait plus que toi en comptabilité, mettons. » Donc là, j'ai un fiscaliste, puis j'ai plus besoin de toi pour me parler de finances. Je vais parler à mon fiscaliste. Si t'es parent, tu vas dire, fuck, je t'ai quand même aidé à partir. Ouais, mais là, je suis déjà parti, puis là, ce que j'ai besoin, c'est tel niveau. Puis là, t'es discarté. Là, dès que vous êtes dans un discarté, là, tu sais, style, ouais, j'ai plus besoin de toi, bien là, automatiquement, on n'a plus besoin de. Vous êtes non performant, vous êtes moins utile, et donc, vous êtes moins apprécié, donc. Il faut continuer à aimer la vie en fonction de certains rôles que tu joues au niveau où tu es. Fait qu'ici, au niveau où tu es encore utile à un autre environnement, il faut que tu te coupes de la mémoire d'avoir fait telle chose qui est importante à cette étape-là. Tu sais, comme exemple, le professeur de première année, il faut que tu sois content d'être professeur de première année parce que si tous les élèves vont y dire « Bien, moi, je suis rendu à l'université, j'ai plus besoin de toi », il ne faut pas qu'ils vivent ça comme une dégradation personnelle, il faut qu'il vive ça comme lui était à cette étape-là, puis c'est cette étape-là, c'était ce qu'il fallait à ce moment-là. Sinon, il y a une mesure qui se fait par rapport au professeur d'université, puis il va dire, j'aurais donc dû continuer à étudier pour me ramasser professeur à l'université. Puis là, s'il pense comme ça, il ne peut pas aimer sa vie. Est-ce que comprends-tu? L'évolution d'un être, c'est de se prendre tel qu'il est. Facile à dire. Tu sais, le gars, il est avec, je sais pas, il y a bien des couples qui divorcent. Fait que le gars, il est avec une femme, puis la fille, elle dit, « Mais là, moi, là, tu ne fais pas assez d'argent, je divorce. » Ou, « Tu n'as pas si, tu es trop petit, tu n'es pas assez grand, je divorce. » Il n'y a pas si, il n'y a pas ça. Fait que tu es tout le temps dans un rapport d'échange où tu es mesuré. Puis si tu dis, « Bon, ben là, écoute, on a fait un an ensemble, c'est bon. » Si tu dis, « On a fait 6 mois, merveilleux. » Faites 2 jours, tabarnouche. Là, t'es correct. Là, tu vas aimer ta vie. Parce que ça ne sert pas de la mesurer sur l'autre n'a plus besoin de toi, il a besoin de l'autre, ou d'un autre, ou de d'autres choses. Mais là, t'es correct. Même toi, quand t'es un gars, il vit avec une femme, puis la femme a dit, « Ouais, c'est pas les hommes que j'aime, c'est les femmes. » Waouh! Ben, là, si le gars est mental, qui est sur un état de conscience, sa femme est lesbienne sans le savoir, puis elle vit avec lui, bien, au moins, si, ça t'aura servi à comprendre que tu n'étais pas aux hommes. Hein, il aime sa vie. Il dit, si t'as d'autres chums qui sont lesbiennes, mais qui ne savent pas, tu me les repasses là, je vais m'occuper de lui faire voir qu'ils sont aux femmes. Tu sais, ça, c'est aimer sa vie. T'sais, plutôt que de voir ça comme un problème, tu vois ça comme une étape. C'est une étape pour l'autre pour pouvoir faire une prise de conscience. Hein? Ben, il est utile. L'idée, c'est d'aimer sa vie, c'est d'être utile. Si t'es utile à faire des prises de conscience, tu sais, c'est merveilleux. Mais là, t'aimes ta vie. Tes défauts ne deviennent plus un problème. Et ça devient... Puis encore qu'un défaut, c'est en fonction de la valeur que les autres te donnent. Hein. C'est parce que, toi, quand tu te lèves le matin, tu n'as pas de défaut, tu te réveilles, tu vas déjeuner, puis ta vie est belle. Aimer sa vie, c'est faire quelque chose qui te plaît, et puis que les valeurs que ça dégage pour l'environnement font que tu n'as pas un gros taux de rejet. Fait que si tu n'as pas un gros taux de rejet, normalement, tu devrais aimer ta vie. Mais si tu as bien du rejet dans ton environnement, ou que toi-même, le pire qui peut t'arriver, c'est de te rejeter, si tu te rejettes parce que tu n'as pas le niveau de supériorité que tu recherches dans ton environnement, bien là, automatiquement, tu n'aimeras pas ta vie. Lise donc les questions, parce qu'il est dur à développer ce sujet-là. Je trouve ça tellement simple. Là, que... Si toutes les conditions que tu vis, tu ne les aimes pas, tu ne peux pas aimer ta vie. Bien, c'est parce que tu as des attentes. Là. OK. Si tu as des attentes. Tu sais, si toi, tu t'évalues comme... tu sais, ton évaluation de ta vie est en fonction de ton environnement. Si moi, je suis dans un environnement, exemple, que quand tu vas au restaurant, ça coûte 100$, puis que moi, j'ai 20$ dans mes poches, bien, là, je vais dire, écoute, le café, t'as combien ici? 12$. Bon, ben, 12$ plus ce type à 6$, le gage, tu sais, genre, j'en ai pas assez pour pouvoir manger. Fait que si j'ai pas... Puis si je demande à quelqu'un, je peux-tu manger dans ton assiette? Puis qu'il me dit non, ça se fait pas, c'est pas d'intradition, bien là... Tu ne peux pas y aller souvent. Tu sais, ça revient tout le temps à ton environnement. Mais si tu es avec une gang de robineux, puis qu'eux autres, ils mangent... quand ils ont mangé un cracker jack dans la semaine, c'est tout leur repas. Bien là, c'est moi qui est le riche. C'est eux autres qui ont des complexes. Ou c'est eux autres qui vont dire, « Hey, le style riche, passe-nous donc 2$ pour qu'on puisse manger. » Bien, tu sais, c'est une relation avec ton environnement. C'est comment dans ton environnement tu es évalué. Toi, dans le temps que tu vivais avec ton mari, c'était correct. Puis là, c'est avec ta Mercedes, bien, même tes enfants ne te regardent plus. Fait qu'on devrait, si tu veux absolument aller vers l'environnement de ma pauvre petite maman, puis tu veux faire pitié, puis ils vont dire, on peut-tu t'emmener un petit verre de lait, ou ils vont rembourser des berlingots dans un restaurant, puis ils vont se faire un verre de lait avec ça. Là, si c'est dans les traditions, bien là, ils vont dire, hey, on s'aime nous autres, hein. Mais on s'aime en fonction de l'environnement qu'on a. En d'autres termes, quand on est ensemble, on ne se compare pas. Bien là, tu es correct, tu aimes ta vie. Parce que ce que tu cherches à ce moment-là, c'est tout le caractère d'évaluation positive que ça te donne. C'est que si tu es évalué ou tu t'évalues négativement, c'est parce que tu es dans un environnement où toi, tu ne fournis pas pour ce que les autres se donnent. Est-ce que tu comprends-tu? Viens vivre à Dundee, tu vois ça, qu'il ne faut pas grand-chose pour être riche là-bas. Il faut rien. Si t'en viens à Montréal, puis dépendant des restaurants où tu vas être coté là. Tu veux-tu rentrer dans une place où c'est 150$ du couvert? Non, tu peux pas. Ouais, tu aimerais ça parce que tu voudrais t'évaluer. Tu voudrais t'évaluer. C'est ça. Fait que ça revient tout le temps à ce que tu mesures par rapport à l'environnement. Pour dire quoi? C'est qu'une personne qui s'évalue selon son environnement puis qui veut changer d'environnement, elle a un certain choc d'adaptation à faire. Puis aimer sa vie, bien... Tu sais, aimer sa vie, si tu as des attentes, habituellement, tu n'aimes pas ta vie. Parce que aimer sa vie, c'est accepter la condition dans laquelle on est. Mais il y a toujours des conditions qui sont différentes. Puis c'est pas toujours une question d'argent, là. C'est une question de mode de fonctionnement. Un gars comme Trump, là, la reine ne veut pas le recevoir en Angleterre. Puis il est président des États-Unis, c'est le pays le plus puissant de la planète. Elle ne veut pas le recevoir, il n'y a pas de classe. Déjà, en n'ayant pas de classe, il n'est pas accepté partout. Obama passait, puis il était noir. Mais il passait parce qu'il était cultivé, le gars. Fait que Trump n'a pas la culture d'Obama. Et puis il fait la guerre à Obama, c'est pas son avantage. Parce qu'il a l'avantage à être en bon terme avec Obama, parce qu'il a quand même été très populaire, Obama. Non, il veut faire la guerre à Obama pour montrer qu'il est meilleur. Ce gars-là, c'est clair qu'il n'aime pas sa vie. Là. Parce qu'il n'est pas supérieur à tout. Okay. Pourtant, il est président des États-Unis, puis l'autre est président, a été président des États-Unis. Mais là, lui, il a le challenge de rester là pendant 8 ans, parce qu'Obama a fait 8 ans. Puis s'il se serait représenté pour un autre mandat de 4 ans, il aurait passé comme une balle, le gars. Fait que tu vois bien que aimer sa vie, c'est pas une question de moyens. C'est une question d'acceptation de ton environnement, puis toi aussi de l'acceptation que tu as d'être ce que tu es. C'est difficile, quand tu as des attentes, d'aimer ce que tu es. Parce que quand tu as des attentes, tu as toujours l'impression que l'attente que tu as, c'est le manque que tu as. Puis quand il te manque quelque chose, ben, c'est comme tu dis, bon, ben, je suis rejeté ou je rejette telle chose. Je rejette mon passé, mettons. Tu sais, quand tu rejettes tes parents, tu rejettes ton passé au complet, là. Ah, j'aime pas mon père, j'aime pas ma mère, j'aime pas les conditions dans lesquelles ils m'ont fait vivre, blablabla. Mais dès qu'il y a une guerre avec ta structure familiale, au niveau du mode de vie, bien, tu peux pas aimer ta vie, là. Il te manque quelque chose. Tu sais, t'es handicapé. L'autre, chez nous, on était gros. Moi, j'ai passé une partie de ma vie à me faire traiter de gros ménage puis de la patente. Là, ça m'a poussé à 12 ans à commencer à faire du conditionnement physique pour finir lifeguard d'une piscine en haut d'une chaise qui était 6-7 pieds dans l'air. Tu sais, papa, la musculature, le bronzage, toute la patente. Je commençais à aimer mes vies à partir du moment où j'étais bronzé, puis culturiste, puis tout le kit. Mais tu sais, en vieillissant, le gros ménage est revenu. Si j'aime pas ma vie là, puis je suis obligé de me remettre au conditionnement physique, si bois, ça finira plus. Là, je suis condamné à toujours faire du conditionnement. Okay. Y a-t-il une différence entre le bout de vie et aimer sa vie? C'est quoi la différence? Je suis proche parent. Je suis dans la même famille. Un petit frère de l'autre. Aimer sa vie, c'était aimer ce qu'on fait, mais si tu n'as pas parlé de ça encore, c'est pas vraiment ça. Ben, mais sa vie. Moi, je regarde, j'écoute les gens parler à Dundee au bar. Ils ont du fun, eux autres. Ils aiment leur vie. Moi, vivre leur vie, j'aimerais pas les vies. Quand ils sont obligés de n'abattre pour la boucherie, là, avec une balle de 30-30, tirée dans les oreilles, puis la patente, ils se comptent ça, là, puis ils rient. Moi, j'ai plus le goût de broyer que d'autre chose. Mais tu sais, on n'est pas dans le même monde. Les autres, dans leur monde, c'est aimer la vie. Puis dans mon monde, moi, c'est... je n'ai pas le goût de vivre ça. Tu côtoies des gens, des fois, qui... Eux autres sont pas des mesures. Ils ont pas les systèmes de valeurs qui fit avec les siennes. Mais c'est quand même une réalité pareille. Si t'es mental, puis t'es sur le contact, puis tu vis pas la vie au niveau de l'âme, bien, tu comprends. Tu sais, t'es froid. Parce que quand t'es sur le contact, t'es complètement dégagé de toute forme d'émotion. Fait que là, c'est comme... Le mur est blanc, le mur est bleu, le mur est brun. Ça s'arrête là, tu sais, il n'y a pas plus que ça. Ouais, c'est des constats. Quand tu es sous le contact, c'est des constats tout le temps. Mais ce n'est pas des évaluations, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Parce qu'aimer la vie, ça suppose un traitement d'amour. Amour, il dit sentiment, émotion, réaction, hein, tu sais. Donc, tu réagis à un manque, tu réagis à un surplus. Tu réagis à une appréciation, mais il y a toujours un facteur réactif dans le mot « aimer ». Il n'y a pas aimé aussi. Bien, pas aimé, c'est de la haine. Puis dans le pas aimé, bien, il y a une répulsion, donc il y a du rejet. Mais ça revient tout le temps à des patterns d'âme, tout le temps. Tout le temps des valeurs, tout le temps. Moi, je vais jouer au billard, puis à un moment donné, je manque des boules parce que je sais pas, je suis pas en forme, mes yeux sont pas bons cette journée-là, puis boum, boum, boum. Mais là, tu sais, je vais dire, ouais, j'aime pas ma journée. Mais c'est en fonction tout le temps d'une performance. Dès que vous êtes libre de la performance, tout est le fun. C'est le fun dans le sens que tu exerces une aptitude ou une capacité quand c'est pas bon, ben, tu dis, ouais, ben, je me développe aujourd'hui, tu sais, dans le sens que tu dis, ben, on va faire mieux demain. Là, il n'y a pas de tension, parce que là, tu n'es plus dans l'affaire d'aimer, tu es dans l'affaire d'un développement, c'est mental. Dès que vous êtes dans une zone de développement, le moins bon ou le mauvais devient un facteur de développement. Mais quand tu parles d'aimer, là, c'est traité au niveau d'une perfection de quelque chose qui est mesuré à un niveau quelconque. Moi, je joue au billard, puis je rentre, je sais pas, 10 boules d'affilée, vous dites, waouh, je suis bon aujourd'hui. Là, il arrive un gars, lui, qui me rentre 75 boules d'affilée. Je vais dire, ouais, je suis pas si bon que ça. Donc, je me challenge plus que personne. J'essaie d'être heureux tout seul. Si je me dis, bon, ben aujourd'hui, je fais le bien. Puis demain, on verra. Ça, t'aimes pas ce que tu fais, parce que là, tu es tout le temps en comparaison avec. Mais tu sais, tu joues dans le monde de la comparaison, tu vas tout le temps te faire battre par quelqu'un. Vous pouvez aimer être quelque chose jusqu'à temps que dans l'évaluation, dans la perception de votre évaluation, vous êtes tellement planté, vous vous faites tellement battre que c'est comme plus faisable d'avancer. C'est ça, là, tu vas t'entraîner comme un malade jusqu'à temps que tu aies atteint quelque chose. Puis, tu ne le feras pas pour toi, tu vas le faire comme pour battre l'autre. C'est comme à un moment donné, ça n'a plus d'allure. Parce que là, tu dépends de te battre avec. Tu ne peux plus faire... Comme moi, la carabine, quand je suis arrivé en compétition, j'ai dit, je m'en vais pas là pour me battre avec les autres, je m'en vais là pour apprendre. Je me suis assuré que j'étais moins bon que tout le monde. Fait que là, j'ai dit, tout ce qui peut être drôle, c'est que quelqu'un me le montre. Alors, j'ai passé 2 ans, 3 ans même à étudier les meilleurs tireurs. Puis j'ai eu beaucoup d'agréments à apprendre des meilleurs. Mais si je voulais me battre contre les meilleurs, ben, oublie ça, là, ça m'aurait pris encore 5-6 ans. Ils font des fiches parfaites, les gars. Ben, t'es venu une fois, tu vois bien que faut que tu aies une bonne carabine, faut que tu aies de l'entraînement, faut que tu aies un bon budget pour t'acheter des balles, faire tes balles. Puis... Donc, c'est ça. Tu te compares, tu vas tout le temps avoir quelque chose qui est meilleur, tu vas tout le temps avoir quelque chose qui va faire que tu n'aimeras pas la performance que tu donnes, puis tu vas tout le temps être obligé d'améliorer ton show. C'est comme là, j'ai pas tiré en 2016, là, puis ça me manque pas, parce que je suis pas compétitif. Je veux pas faire de compétition. Fait que j'aime les carabines que j'ai, c'est suffisant. C'est pas, ah, j'ai pas la bonne carabine, j'ai pas la bonne balle, ça finit plus là. Je suis plus dans la game de faire une évaluation à partir des autres. Parce que ça n'a plus de fin. T'sais, le gars va te dire, ben, toi tu fais de la compétition, tu sais, c'est niaiseux. Nous autres, on fait de la chasse, on a tué 2 antilopes, un gorille, puis tu le quittes. Où je t'arrête, là? Où tu vas commencer à aimer ta vie? Tu vas commencer à aimer ta vie sur le qu'est-ce que t'es, puis qu'est-ce que ça donne. Puis es-tu, tu sais, comme ils disent les alcooliques, moins qu'hier, plus que demain? Non, c'est plus qu'hier, moins que demain. Bon, là. Ton challenge est avec toi-même. Qu'est-ce que tu as amélioré de tes vies? T'sais? C'est tout. Faut pas que les autres. Il faut comprendre ce que je veux dire. Il ne faut pas que les autres t'aiment pour être heureux. Il faut que si les autres t'aiment, ben, tu sais, une fois, j'avais dit à une femme qui était superbe, j'ai dit, vous êtes très jolie, madame. Elle a dit, merci, vous avez du goût. Dans d'autres termes, je sais que je suis belle, vous n'avez pas besoin de me le dire. Ben, je vous le dis pareil. Ben, merci, vous avez du goût. Donc là, à partir de ce moment-là, elle n'est pas manipulable. Là. Tu ne peux pas commencer à y chanter à la pomme parce qu'elle s'en l'est fait chanter tellement souvent que c'est pas là-dessus que tu vas marquer des points. Donc, elle n'est pas manipulable sur son esthétique. Mais si moi, elle a rougi, là, puis que, ah oui, vous pensez, il n'y a personne qui te l'a dit, je suis le premier, waouh! big joke. Elle a pu te manipuler parce que tu penses que tu es le premier, puis... Tu vas penser que tu lui donnes une valeur, puis tu te le quittes. La personne qui donne la valeur, là, elle peut te manipuler, mais si tu n'es pas pris par la valeur que les autres te donnent, tu n'es pas manipulable. Moi, quelqu'un qui va dire que tu es intelligent, on va dire, oh, c'est pas vraiment moi qui est intelligent, c'est de l'intelligence qui passe par moi, mais je ne suis pas intelligent tant que ça. Tout le monde peut avoir accès à cette intelligence-là. Ben, je ne peux pas me faire manipuler là-dessus. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu es aussi manipulable que tu cherches une valeur. Jeannette a dit, j'ai peur de perdre mon char. Et sais-tu que des Mercedes à 5000, il n'y en a plus? Donc, si perdre son char, ça, c'est la fin du monde. C'est parce qu'elle ne voit pas qu'il y a d'autres chars que tu peux avoir au même prix. Là. Si on en a acheté un, on peut en acheter deux, trois, puis quatre, puis cinq, puis six. Puis en plus, tu vas pouvoir changer de couleur pour ça. Donc, il n'y a plus de problème. Mais tu sais, si tu as peur de le perdre, c'est parce que tu penses que tu ne peux plus en avoir. Là, dans ta tête, dès que tu penses que tu ne peux plus en avoir, c'est la fin du monde. Puis si tu achètes ce char-là, pas pour te déplacer, mais pour le statut que ça te donne socialement, ça veut dire que tu es manipulable sur la valeur que tu donnes à ça, qui fait que si quelqu'un en a un, puis que toi, tu n'en as plus, toi, tu n'es plus rien, puis l'autre, tu es quelque chose. Ça n'a plus de fin, ça, là. Aimer sa vie, c'est vraiment pas se comparer. Bien, c'est pas se comparer. Tu n'es pas bien dans ta peau si tu te compares. C'est pas vrai, ça. Dès que tu es dans une comparaison, tu vas te faire souligner un déclin, hein, quelque part. Parce que tu peux pas être top rate tout le temps. À un moment donné, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, whoop, ça descend. Là. La femme qui va dire, ah, les hommes, est-ce qu'on parle? Si toi, t'es une femme, puis que t'apprécies le fait de l'être, puis que tu te compares pas à l'homme, n'a pas de trouble. Comprends-tu? Là, moi, je m'accepte comme je suis, j'ai un niveau de sensibilité qui est différent, je m'arrange pour me tenir avec des gens qui sont à mon niveau, même niveau d'intelligence, au même niveau d'esthétique, ta. Il n'y a pas de trouble, il n'y a plus de conflit avec l'homme. Là. Mais si tu es en conflit avec l'homme, tu as déjà pensé que c'est parce qu'il te manque, le Christ de mâle? S'il te manque, c'est parce que tu as besoin. Tu as besoin de quoi de l'homme? De sa drive, de son élan, de sa capacité de construire, sa capacité de prendre en charge? C'est parce que tu ne regardes pas ce que toi tu fais. Et là, si tu ne regardes pas ce que toi tu fais, les autres ou l'autre vont toujours être supérieurs à ta personne, tout le temps. Aimer sa vie, c'est une affaire d'âme. C'est juste une histoire d'âme. L'esprit, quand tu as de l'esprit, là, comme moi je le vis, là, c'est qu'est-ce que je vais faire demain que l'esprit va me faire faire. Ton évaluation est en fonction de ce que tu fais, que tu obéis de faire. T'sais. Moi, je vais dire, bon ben là, je peux-tu me rendre à Laval aujourd'hui, là? Ils vont me dire, oui, tu peux y aller. Bon, OK, donc, je vais y aller. Si maladie, non, tu ne peux pas y aller, tu risques un accident. Je n'aurais pas été, j'aurais tout cancellé. Comment dire? C'est pas une valeur, ça, là. C'est pas les autres vont-tu m'en vouloir. Non. C'est en fonction de ta source. En fonction de ta source, là. C'est plus une histoire d'âme, là. C'est une histoire de, bon, l'esprit veut que, pop, il se passe telle chose. Ton esprit, c'est pas ta propriété, ton esprit. C'est ce qui t'habite. OK. La game est là. Tu es à l'abri de toute forme de rejet quand tu es dans le rapport avec ta source. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de rejet. Ça veut dire que tu comprends parfaitement l'événement dans lequel tu es. Parce que tu n'es pas évalué en fonction d'être une personne. Tu es évalué en termes d'acteur dans l'événement. Mais tu n'es pas évalué par l'âme, tu es évalué par ta source qui ne t'évalue pas en réalité, qui fait juste te commander d'être telle chose. Aimer sa vie, est-ce que tu s'aimes? Pour moi, là, ça ne sonne absolument à rien, s'aimer. Parce qu'il faut réfléchir énormément pour s'aimer. Parce que je viens d'expliquer que les gens s'aiment en fonction d'un système de valeurs qui est orbital à sa personne. Tu vas t'aimer si tes enfants t'aiment. Tu vas t'aimer si les autres t'aiment. Tu vas t'aimer parce que quelqu'un, si tu as un manque financier, va dire, pauvre Jeannette, attends, tu as besoin de combien? 35 000? Ben oui, t'aimes, on te signe un chèque. Tu vas t'aimer sous condition qu'il y ait des gens qui interfèrent dans ta vie à ton avantage, selon tes besoins. Là, tu vas t'aimer. Donc, tu t'aimes pas. Tu t'aimes sur le système de valeurs de ton environnement. Sinon, tu ne t'aimes pas. Moi, je ne réponds pas à mes besoins. Bon, ben, si, on va mourir. Ah, je l'ai manqué, on va recommencer. Jusqu'à temps que je ne sois plus capable de remonter l'escalier, puis que je reste dans le bas de l'escalier, puis que je crève là. Puis pas un chat qui va me relever. Les gens, ils s'aiment sur les valeurs que les autres lui donnent. T'as pas de valeur, ce que les autres te donnent. Tu vois rien, mettons, là, dans ta tête. T'es morte, que je cherche pas, là. Mais si t'es pas capable de te donner une valeur d'action, d'être utile, t'es morte. S'aimer. Je m'aime-tu. Je suis pas capable d'évaluer ça, moi. J'ai mangé une bonne tarte aux coconuts. Elle était tellement bonne, j'ai commandé une deuxième. C'était ma fête hier. Ça a pu durer une journée de plus. Ah oui, deux tartes aux coconuts. Il fallait que je paye pareil. En fonction de ma capacité de payer, je pouvais en avoir deux, trois, quatre. À deux, là, je trouvais que la crème était quand même assez bourratif. J'ai arrêté à deux. Mais c'est en fonction de l'amour que j'ai de la tarte. C'est la valeur que j'ai donnée à la tarte. C'est mes papilles gustatives qui ont fait que la tarte a été très appréciée. Elle était bonne en crise, ce jour. Ça vaut même la peine de venir aux pirates à Dundee pour venir manger ça. Hein. J'ai rien compris. Moi, ce que je déteste, c'est du monde que je comprends pas. Là, parce que là, ma question, là, t'as mangé tout ce que tu voulais. Là, t'aimais la vie. Moi, j'aime la vie parce que la vie répondait à mes attentes. Mais il faut dire que j'avais 5 piastres dans mes poches pour me prendre deux morceaux de tarte à une pièce ou encore plus taxes, plus pour moi. On peut pas aimer la vie sur les choses qui nous manquent. Quand il te manque quelque chose, il aurait fallu que je me revanche sur le jello, là. Avec de la crème dessus. Ça ne goûte pas pareil. Mais c'est une pièce de moins de jello, pareil. Question. C'est être en équilibre, en réalité, par rapport à le fait d'aimer sa vie en conscience, c'est d'être capable d'être un bon acteur sous les yeux de ton esprit. C'est un peu ça. T'es en feu à ce soir, toi. J'essaie de faire une synthèse de ce que tu viens de dire. Ah ouais. Pour rendre ça bien simple. C'est mon micro. Allez, ça. Aïe. Parce que c'est comme s'il faut être un bon acteur, tout simplement. Pour qui? Juste ça. Être un bon acteur. Pour qui? Pas besoin pour personne. Ben, si tu fais juste pour toi, dans le miroir, ça ne sert pas grand-chose d'être acteur. Tu es aussi bien d'être réel. Tu es obligé d'être acteur. Mais pour qui? Tu n'es pas capable de me répondre pour qui? Tu ne peux pas dire pour toi, pour ton esprit. Tu as juste besoin d'être un bon acteur. Bon, mais moi, je vais répondre à ta question. Quand tu es acteur, c'est pour avoir une valeur pour les autres. Parce que pour toi, tu n'as pas besoin d'être acteur. Tu as besoin d'être ce que tu es. Mais le fait que tu sois incarné dans un corps matériel. Oui, mais là, tu commences à jouer avec le culte un petit peu trop. Là. Non, mais c'est ça aussi. Tu es obligé d'être acteur. Tu es sur la scène. Sur la scène pour les autres, avec pour les autres. De la vie. Non. C'est pas pour les autres. Oui, c'est pour les autres. Toi, ici, quand tu parles, là, tu fais un show. Oui. Mais tu ne parlerais pas comme ça, tout ça? Oui, c'est possible. Hein? C'est possible. Tu parlerais comme tu viens de parler tout seul chez vous, dans la maison, devant le miroir. Oui. Ah oui. Peut-être que je ne le dirais pas, mais je le vibre. Ah, bien, le vibrer puis le parler. Même chose. On est acteur quand on le parle. Non. Ah, non. Seul, quand tu es seul, les gens qui vivent dans le bois, dans le Grand Nord, pendant des jours, okay. Sont acteurs. Par rapport à quelque chose de plus invisible. En automne, ça t'a affecté l'isolement. De quoi? Ça t'a affecté l'isolement. L'isolement, non. Ben, quand on pense qu'on est acteur et on n'a pas besoin des autres. C'est ça, être isolé, de jouer cet acting-là. Ah, ouais. Question? Si je te dis en train d'amitié avec toi, ça me dit quoi? C'est dans le sens de t'es avec toi, tu es ton chemin. Oui, je vais te dire que t'es bipolaire, man. Comment ça? Parce que quand tu commences à te faire une discussion avec toi-même, ça veut dire qu'il y a une entité dans le portrait. Hein. S'il y a une entité, ça veut dire qu'il y a un jeu d'astral qui t'emmène à avoir un dialogue avec de l'âme qui n'est pas ton âme, qui n'est pas ton karma. C'est ce qu'on appelle la bipolarité. Ça. Quand c'est ta source, c'est toi. Puis tu sens que c'est toi qui agis qui passe à l'acte de l'information que tu as, c'est toi pour toi. Tandis que quand c'est une influence astrale, ça peut être nocif, puis tu vas le faire parce que tu es manipulé mentalement. Là, écoute, j'ai fait parler, moi, du monde sur les sources, puis j'étais tout le temps obligé de traverser une entité ou plusieurs entités. Quelqu'un qui se drogue, habituellement, il y a 3-4 influences astrales. Il y a 3-4 noms qui sortent. C'est jamais une personne. Puis quand c'est ta source qui s'exprime, la personne sait que c'est elle. Mais c'est elle, là, dans le sens que c'est en autorité. Tandis que quand c'est une entité astrale, c'est sous influence. Elle sait qu'elle subit une influence. Elle ne se sent pas elle-même. Quand elle ne se sent pas elle-même, c'est comme si tu avais quelque chose qui était assis à côté de toi et qui parle à ta place. Tandis que quand c'est ta source, tu sens tout le temps... Comme quand là, je te parle, là, je sens ma source qui parle. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir quelque chose qui me dit quoi faire. C'est pas... c'est pas une influence mentale. Là. Fait que si lui me dit « faut être acteur dans les vies » puis le quitte, là, bon, ben, ça, moi, quand je l'entends, je sens de l'incomplet. Là. Je vais rajouter. Oui, à qui tu parles? Quand tu es acteur pour quelqu'un, tu n'es pas acteur pour toi-même. Parce que quand tu parles pour toi-même, il n'y a pas de manipulation. Là. C'est ça. Puis là, ben, ici, il fait un spin, là, à un moment donné, là, je vois que c'est une entité, ça. Là. Ça ne parle pas de même du contact. OK, là, je coupe la conversation, je m'en vais sur un autre sujet. Donc, entrer en amitié avec soi, pour toi, ça ne fait pas de sens pour résumer. Mais c'est parce que ce n'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Quand ce n'est pas cohérent, c'est une entité, c'est astral. Dès que vous tombez dans une incohérence, là. Bien, je te l'explique, là, Chris. Je te dis que c'est une entité. Ce n'est pas une affaire de spiritualité. Ça peut venir du plan spirituel, oui. Mais si ça vient du plan spirituel, c'est une entité astrale, spirituelle. Du plan spirituel. C'est ça, je te dis. Correct, c'est beau. De mais quand c'est ta source, c'est pas spirituel. Non, je comprends. C'est très cohérent. Il y a beaucoup, beaucoup de cohérence dans la conscience, puis il y a beaucoup d'incohérence dans l'aspect astral. Quand une personne dit « moi, j'aime ma vie », bien, aimer sa vie, c'est de l'âme, donc c'est astral. Mais qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui aime ta vie? C'est-tu l'entité qui aime la vie ou c'est toi qui aime la vie? Bien, si c'est toi qui aime la vie, c'est une entité qui aime la vie. Parce que l'esprit n'est pas dans l'amour de la vie, il est dans un développement de la vie, il évolue. Tel point est fait, puis on passe à telle autre étape, puis à telle autre étape, puis à telle autre étape. Il n'y a pas de... C'est statique, l'amour. Là. C'est quelque chose qu'on veut qu'il arrête de bouger. Là, quand tu as une évaluation positive de toi-même par rapport aux autres, tu ne veux pas que ça change, ça. Là. Mais ça ne peut pas être statique. La vie, ce n'est pas statique, c'est du mouvement constant. C'est du mouvement constant. Fait que le concept de l'amour, de la satisfaction, on veut que ça arrête là. T'sais, ils vont dire, j'aimerais ça que le temps s'arrête. Bon, ben, le temps s'arrête, là, c'est être hors du temps. Puis être hors du temps, c'est être en esprit. L'esprit est hors du temps, mais l'âme est dans le temps. Fait que tout ce qui mesure de temps, puis niveau de satisfaction qu'on ne veut pas que ça arrête, ces choses-là, c'est de l'âme. Quand tu es un enfant puis tu dis « j'aime ça qu'il m'aime toute ma vie », c'est parce que tu veux pas qu'il vieillisse, donc c'est pas cohérent. La vie, c'est une évolution vers une amélioration constante. Mais quand tu dis « tu veux pas qu'il avance », bien là, c'est parce qu'au niveau de l'âme, tu veux fixer le bien-être que tu as dans un état qui n'évolue plus. Tu peux pas évoluer sans mouvement. C'est du mouvement qui fait évoluer. C'est pas de l'inertie qui fait évoluer. Il y a bien des gens que si tu regardes, ils sont rendus à 50 ans, 70 ans, puis si ça n'a pas évolué. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de fixer des états de satisfaction. Ils ont essayé de les figer. Ben, tu figes ça, il n'y a plus d'évolution. Moi, je suis rendu à si au bout du monde, puis ça me fait évoluer en tabarnak, puis tout sur moi. Là. Pourquoi? Parce que j'ai installé un mouvement dans ma vie. Tu vas dire, mais tu as juste à flasher tes chats, puis à revenir. À... Non, parce que ce que j'ai vécu là-bas me fait voir que Montréal, c'est pas une... Il y a une monnaie qui est plafonnée par la forme. Le monde sont stressés, c'est nerveux là-bas. C'est relax, c'est dormir comme je dors là, c'est débile. J'aurais jamais pensé que c'était possible. Il n'y a pas une nuit que je dors pas en bas de 12 heures. Là, tu vas dire, fuck, il n'y a pas d'évolution là-dedans. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Je travaille dans mes rêves, moi. Que je fais autant d'ouvrages dans le rêve que j'en fais de plein jour. Tant que tu fais des développements de conscience, ça n'a plus de fin, ça, là. Ça n'a pas besoin d'être reconnu par ton environnement. Tu n'as pas besoin d'être payé sur tout ce que tu fais, là. C'est vécu par toi, pour ton développement. Mais le développement, tu n'as pas l'air à savoir trop ce que c'est. Ça a l'air d'être bien intellectuel, bien une perception qui est au niveau d'une valeur de soi-même. Il n'y a pas de valeur dans le développement. C'est trop long du développement. C'est des vies, des réincarnations. Fait qu'à un moment donné, ça sort du temps d'une conscience. Il n'y a plus de conscience dans le temps, là. Ça devient une conscience dans le développement. Tu vas finir par parler 4, 5, 10 langues, puis tu n'auras pas nécessairement voulu le faire, tu n'as pas fait ça parce que tu avais un besoin. Ça va s'être passé à quelque part, puis tu vas dire, mon Dieu, comment ça fait que j'ai ce talent-là? Le gars qui a inventé Bebel, là, le gars, là, il n'est pas intéressé par la finance aussi. Quand tu dis...